Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. طيب سنواصل في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك. La dernière fois, on avait pris deux hadiths également. Un par Aïcha qui était le 52e hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصيه. Celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Celui qui a fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne désobéisse pas. Et le hadith d'avant, qui était le 40 ou 51e hadith, selon Abdurrahman ibn Samura, parce que le Nabi Sassan lui a dit, « Ya Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara, fa innaka in uti'a in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha, wa in utitaha min ghil mas'ala u'inta alayha. » Et il avait dit, le Nabi Sassan, Abdurrahman ibn Samura, ou Abdurrahman, ne demande pas le commandement, car si jamais tu le demandes, d'accord. Et tu seras confié à celui-ci, c'est-à-dire que tu n'auras pas l'assistance d'Allah Azzawajal. Et si jamais tu as le commandement sans l'avoir demandé, alors Allah t'assistera. Naam. L'yom sanakhouz rabbama thalath ahadith. On va sûrement en prendre trois aujourd'hui. Car ils sont courts. On va essayer de prendre trois, bismillah. Hatta namishi afil kitab. Nakoulu fil hadith al-thalith wal-khamsin. 53e hadith. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. Donc selon Ali, radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les muslimouns sont égaux dans leur sens, c'est-à-dire leur vie, dans les sentences. Et que l'engagement et la protection du moindre d'entre eux doit être respecté. Et également, que, parce qu'il y a deux versions du hadith, il y a, وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَفِي رِوَايَا وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ. Et cela va venir dans le, je sais pas trop comment traduire, mais ça va venir dans l'explication, Inch'Allah. Que, yani, le musulman le plus éloigné, où qu'il soit, également que sa protection doit être respecté, même si la personne qui protège est loin de lui. Tant que c'est dans son pays et dans son territoire. Takriban. Et il dit, ils sont une seule main, c'est-à-dire une seule communauté, par rapport aux autres. Ils doivent être unis. Et que on ne tue pas un musulman pour un kafir, dans le talion, ni un qui aura un pacte, tant qu'il sera sous l'engagement de son pacte. On ne tue pas un kafir avec qui il y a un pacte. Tant que il est encore dans l'engagement de son pacte. Naam. قال هذا الحديث كتفصيل لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. Que ce hadith est venu comme étant comme une forme de détail sur le verset où Allah Azzawajal, dans le sens où il dit que seulement les croyants sont frères. Et également la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Ce hadith vient pour appuyer cela et détailler qu'est-ce que ces paroles-là veulent dire. فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا مُتَحَابِّينَ مُتَصَافِينَ غَيْرَ مُتَبَاغِضِينَ وَلَا مُتَعَادِينَ يَسْعَوْنَ جَمِيعًا لِمَصَالِحِهِمْ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي بِهَا قوام دينهم ودنياهم. Donc les musulmans doivent s'aimer entre eux. Ils doivent être soudés. Ils ne doivent pas se diviser et se tourner le dos. Et ils doivent faire en sorte de s'unir pour leur intérêt général. Celle par laquelle peut se tenir la religion, ainsi que leurs besoins mondains. قال لا يتكبر شريف ولا وضيع ولا يحتقر احد منهم احدا فدماؤهم تتكافأ فانه لا يشترط في القصاص الا المكافاه في الدين المكافاه في الدين. Il dit مثلا que le noble n'a pas à faire preuve d'orgueil envers celui qui est plus modeste que lui, qui a moins de moyens que lui, que personne ne doit mépriser personne, et que leur sang, leur vie, leur descendance, elles ont la même valeur. Car la seule chose qui est demandée lorsque ceux-ci sont impliqués, c'est qu'ils soient du même religion. Cela va être, Inch'Allah, ça va venir à l'explication. فَلَا يُقْتَلَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. Qu'on ne tue pas, par exemple, un musulman en échange d'un kafir. Lors d'un talion, par exemple, on dit qu'un musulman a tué un kafir, et ben on n'applique pas le talion pour tuer le musulman. Contrairement aux musulmans entre eux. وَالْمُكَافَأَ فِي الْحُرِّيَّةِ فَلَا يُقْتَلَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ. Également, dans le statut social, par exemple, on ne tue pas un esclave pour un homme libre. Si un esclave venait à tuer un musulman, on n'applique pas plutôt, comment dirais-je, qu'un homme libre venait à tuer un esclave, eh ben on ne le tue pas en échange de du meurtre de cet esclave. Car là, ce n'est pas pareil. قال وأما بقية الأوصاف المسلمون كلهم على حد سواء. Par contre, en dehors de ces deux points-là, les musulmans, ils sont tous sur un même piédestal. أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المتماثلة في العدو. لا فرق بين الصغير بالكبير ولا بالعكس. والذكر بالأنثى وبالعكس. والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور. Donc par exemple, comme dans le talion, مثلا, un muslim cause la perte d'un membre d'un autre muslim. Par exemple, il perd sa main pour une injustice. C'est pas un accident. C'est une chose qui a été faite, yani, délibérément, en toute injustice. Donc c'est quoi le hukm à ce moment-là? C'est le talion. Donc à ce moment-là, quel que soit le rang social de la personne, en dehors des cas cités qu'on a dit tout à l'heure, entre le muslim et le kafir, ou entre le serviteur, l'esclave et celui qui est libre, alors l'autre, dans le talion, on lui fait couper le même membre dont il a causé la perte. Pas plus. Si un muslim a causé la perte de la main d'un autre muslim, alors la main de ce premier sera coupée. Le pied pareil, l'oreille pareil, le doigt pareil, au même niveau. Et on ne différencie pas entre un grand et un petit, ni entre une femme et un homme. Si un homme fait perdre la main d'une femme, on fait perdre la main de cet homme-là, même si c'est un homme. Il n'y a pas de différence. Si c'est un savant qui cause, مثلاً, la perte d'un membre d'une personne qui n'est pas savante, alors il ne dit pas, ouais, c'est un savant, il est pardonné. Non, c'est pareil. On applique la même loi sur lui. C'est le même jugement qui s'applique sur lui. Également le noble avec la personne modeste. C'est le même jugement. D'ailleurs, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. Il avait dit, le Nabi sallam, si Fatima, sa propre fille, venait à voler, il lui a dit qu'il lui ferait couper la main, sa propre fille. Ça, l'équité. On ne dit pas que c'est la fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est intouchable. Non, elle est au même stade que tout le monde. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْحَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. Donc on a dit que même le moindre des musulmans, c'est-à-dire de classe sociale, qui aurait pris un pacte de protection pour protéger un kafir, on respecte. D'accord? On respecte. On dit pas, ouais, lui, c'est un pauvre, c'est bon, lui, le kafir, on peut lui faire ce qu'on veut avec. Non. Si un musulman, qui qu'il soit, d'accord? Parmi les gens libres, il a un engagement, un pacte de protection d'abriter un kafir, alors il est interdit à tout musulman de toucher ce kafir. Comme a dit Ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ مُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Si l'un des mouchriks te demande de l'abriter, alors abrite-le afin qu'il entende la parole d'Allah et ensuite fais-lui parvenir son lieu de sécurité. At-Tawba, le repentir ou le désaveu, verset 6. فَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ إِجَارَةِ الشَّرِيفِ الرَّيْسِ وَبَيْنَ أَحَدِ النَّاسِ. Donc il n'y a pas de différence que ce soit le président du pays qui s'engage à protéger un tel, ou que ce soit un homme noble, ou que ce soit une personne quelconque, parmi les gens libres, c'est la même chose. La personne doit être protégée. Le kafir, il vient par exemple, je ne sais pas, en pays d'islam, dans les règles, selon les règles du pays et tout, il est sous la protection de l'État. Si quelqu'un invite chez lui, un musulman, il est sous la protection de cette invitation. On n'a pas le droit de le toucher. Maintenant, si ce musulman, ce kafir, venait à transgresser ou quoi, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On le donne aux autorités du pays, c'est elles qui gèrent. D'accord? C'est elles qui gèrent selon leur loi. Sans quoi, les gens, les civils, n'ont pas à le toucher. Ils n'ont pas à le toucher. Même s'ils venaient à tuer des musulmans ou à faire je ne sais quoi, on n'a pas à le toucher et on le, par contre, on informe aux autorités qu'un tel, il a fait tel et tel acte. C'est à vous maintenant de vous occuper de lui. Naam. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أقصاهم يعني رواية يجير عليه يجير عليه أقصاهم c'est-à-dire dans le pacte de sécurité que même celui par exemple qui aurait pris l'engagement de protéger un musulman et qui se trouve maintenant dans le nord du pays et ben si cette personne là ce kafir se trouve même dans le sud du pays à l'autre bout du pays on ne dit pas, ouais, il est loin de son protecteur. C'est le même jugement, où qu'il soit. Même s'il est loin. Et aussi, ce hadith, cette partie du hadith, ça veut dire quoi? Comme l'a dit l'auteur, que si, par exemple, il y avait une troupe des musulmans, il y a l'armée, ils envoient une troupe. Il y a une partie des troupes qui fait la garde dans une partie... Dans une partie, on va dire, où il n'y a pas vraiment de bataille, mais ils font la garde, et une autre partie des troupes qui, eux, sont sur le champ de bataille. Par exemple. Et que ceux qui sont sur le champ de bataille l'emportent. Ensuite, il y a un butin à partager. D'accord? Et là, c'est lorsqu'il y a un combat entre les musulmans et les koufars. Quand il y a des combats entre les musulmans entre eux, chose qui n'est pas permise de base, mais si jamais ils sont contraints de se combattre les uns les autres, on ne prend pas de butin. On ne prend pas le butin des musulmans. Là, le butin n'est pris que lorsqu'il s'agit des koufars. Donc si le groupe qui est parti sur le champ de bataille, pendant que d'autres faisaient la garde, dans une partie moins dangereuse, mais faisaient la garde quand même, pour garder un périmètre de sécurité, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent par derrière ou quoi, et que ceux qui l'emportent sur le terrain de bataille, ensuite viennent avec le butin, alors tout le monde a sa part du butin de part égale. Ceux qui ont fait la garde et ceux qui étaient sur le champ de bataille. On dit pas, non, eux, ils étaient loin, ils ont pas combattu, ils étaient là. Non. Vous êtes tous ensemble. C'est la même chose pour tout le monde. Sauf, le partage peut différencier lorsqu'il s'agit, mathalène, à l'époque, maintenant je connais pas l'équivalent, mais par exemple, un fantassin qui est à pied et un cavalier, le cavalier avait une part plus grande. Le cavalier avait une part plus grande, car le cavalier faisait un travail plus grand. À l'époque, lorsque il y avait des guerres, les cavaliers, ceux qui étaient sur des chevaux, d'accord, quand ils renfonçaient dans l'ennemi, ils faisaient plus de dégâts. Leurs chevaux étaient les leurs. Donc il y avait un investissement de biens qui était mis dedans. Alors que celui qui est à pied, un simple fantassin, il n'avait pas beaucoup d'armes. Il avait peut-être une lance ou une épée, un bouclier. Alors que l'autre, avec son cheval, avec son armure, avec son cheval, il rentre dans l'ennemi, il fait telle et telle chose. Donc, certains avaient une part peut-être plus importante que d'autres pour leur statut par rapport à l'investissement mis. Ça, c'est encore l'autre masse. Alors, sans quoi, toute la troupe, lorsque le butin est partagé, qu'ils aient combattu ou pas, s'ils sont tous partis ensemble, ils étaient tous sur la bannière des musulmans, on dit pas, ouais, un tel ce jour-là, il n'était pas là, il n'a pas combattu. On dit, il est parti avec vous. Après, il a dû faire une autre mission. Mais quoi qu'il en soit, ils partagent avec vous. Donc ils ont la même part à ce moment-là. قال وقوله وهم يد على من سواهم qui sont tous unis par rapport aux autres. Les musulmans sont une même communauté par rapport aux autres. يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات المعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. C'est-à-dire que les musulmans, il est obligatoire d'être unis dans tous les coins du monde contre leurs ennemis qui sont les kuffars. À la base, que ce soit les musulmans du Maroc, que ce soit les musulmans du Yémen, que ce soit les musulmans d'Indonésie, à partir du moment où il y a une adversité qui est émise face aux kuffars, on ne regarde pas les pays, les frontières. Normalement, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. D'accord ? Ils s'entraident autant qu'ils peuvent. On ne dit pas non, ça ne concerne pas, c'est pas notre pays. Non, c'est les musulmans qui sont concernés. Et là, le mal qui les touche est lié par rapport à la religion. Vous devez être tous ensemble. Et chacun avec les moyens qu'il a. Donc là, ça peut être, par exemple, ils interdisent que leur espace aérien soit utilisé. D'autres, leur espace maritime soit utilisé par les koufars. D'autres peuvent dire, oui, on n'a pas d'armée, mais bon, ils peuvent faire en sorte que, Messalène, ils coupent Internet, parce que le câble des koufars, il passe chez eux. Chacun, en mesure de ses capacités, il fait ce qu'il a à faire pour pouvoir soutenir les musulmans. Naam. Yaqul, وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد بعهده اي لا يحل قتل من لو عهد من الكفار ذمه او امانه او هدنه فانه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذكر تحريم قتل المعاهد لئلا يظن اظن جوازه. Donc maintenant dans la partie du hadith, ce qu'il dit que on ne tue pas un kafir qui a un pacte d'engagement avec les kuffar, avec les musulmans, afouan. Que ce pacte soit un pacte de paix, que ce soit un pacte de sécurité, ou que ce soit le fait qu'il soit un zimmi. C'est quoi les zimmis? Ce sont les koufars qui ont été dominés par des musulmans et qui payent la jizya. Eux, il ne faut pas les toucher. D'accord? Donc, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui, le kafir, qui est en pacte avec les musulmans, on ne le touche pas. Et pourquoi est-ce qu'il a précisé cela? Car juste avant, on dit, on ne tue pas un musulman pour un kafir. C'est-à-dire, si demain, un musulman devenait à tuer un kafir, injustement, il n'y a pas de talion. Il n'y a pas, on tue le musulman pour le kafir. D'accord? Mais pour ne pas laisser croire qu'également on peut tuer un kafir gratuitement, il a cité ça dans le hadith. Que le kafir qui a un pacte avec les musulmans, on ne touche pas. C'est-à-dire, demain, comme on l'a dit tout à l'heure, un touriste, il vient, en pays d'islam. Il rentre dans quelles conditions, lui? C'est pas un zimmi, il paye pas la jizya. Mais il a un pacte de protection. Quand il est rentré légalement dans le pays, avec les papiers et tout, donc lui, il est protégé. Il n'y a pas à le toucher. Mais quand on a expliqué, si jamais il venait à commettre des actes qui transgressent l'ordre du pays ou qui transgressent la religion, alors lui, on le dénonce aux autorités, on dit un tel qui est rentré, qui est à tel endroit, d'accord, il a fait telle et telle chose. Après, c'est le gouverneur qui s'occupe de lui. Mafou ma'ada? Taïeb. Non. Souma qala fil hadith, الرابع والخمسين 54 حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه أبو داود والنسائي. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que celui qui se fait passer par exemple pour un médecin alors qu'il ne connaît pas la médecine, alors il doit dédommager, c'est-à-dire le mal qu'il aura causé, par son ignorance. Le hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Le hadith, il est faible, mais son sens, il est correct. Il dit « Hadha al-hadith yadullu bi lafzihi » وفجواه ولا انه لا يحل لاحد ان يتعاطى صناعه من الصناعات ولا يحسنها سواء كان طبا او غيره. Que ce hadith, par son sens général, il indique qu'il est interdit à quelqu'un de se faire passer pour ce qu'il n'est pas ou d'entreprendre un travail qui n'est pas le sien et d'en prendre un salaire. Que ce soit dans la médecine, car le hadith parle de médecine ou autre. وَنَّمَنْ تَجَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَوْ آثِمِ. Et celui qui se fait passer pour cela, il aura commis un péché. Par exemple, quelqu'un, il a, c'est pas un médecin, mais il soigne les gens, il n'a pas de connaissances. Eh bien, lui, il aura commis un péché, car les gens vont penser que c'est un médecin. D'accord ? Alors qu'il n'en est pas un. وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ تَلَفْ نَفْسٍ أَوْ عَدُوٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَوْ ضَامِنْ لَهُ. Que si jamais cette personne-là, à la base, on appelle ça un charlatan. On appelle ça un charlatan dans la médecine. Qu'il entreprend un travail et qu'il commet une faute, alors il doit dédommager la faute qu'il aura commise parce qu'à la base, il n'est pas apte à faire ce travail-là. وَمَا خَذَهُ مِنَ الْمَالِ فِي مُقَابِلَ تِلْكَ الصِّنَاعَةِ الَّتِي لَا يُحْسِنُهَا فَهُوَ مَرْدُودٌ à la base, il est. لِأَنَّهُ لَمْ يُبْذِلْهُ إِلَّا بِتَغْرِيهِ وَإِيهَامِهِ أَنَّهُ يُحْسِنُ وَهُوَ لَا يُحْسِنُهُ فَيَدْخُلُ فِي الْغِشِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Et ce salaire qu'il aura pris en contrepartie de ce travail qu'il aura fait, ce salaire, il est haram. Il doit le rendre. Pourquoi ? Parce que celui qui a payé, il a payé dans quelle situation ? En s'imaginant qu'un tel c'est un médecin, ou un tel c'est un menuisier, ou un tel c'est un forgeron, ou un tel c'est un ceci, c'est un cela, alors que l'autre il connaît rien du tout, juste il est arrivé, il a fait croire qu'il maîtrisait tel domaine, donc l'autre l'a cru, il a payé pour un travail. Donc regardez bien, celui qui se passe pour ce qu'il n'est pas, pour prendre de l'argent, même si le travail il l'a bien fait, il aura commis un péché, cet argent ne lui est pas permis, ce salaire ne lui est pas permis. Pourquoi ? Qu'il aura pris en étant un arnaqueur. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rachat fallait sa mine, celui qui nous escroque ne fait pas partie de nous. Car l'autre, il a donné son argent qu'en s'imaginant qu'un tel, il maîtrisait le travail qu'il faisait, qu'il connaissait. Alors que ce n'est pas le cas. Et si jamais il fait ce travail-là, et qu'en plus, il en résulte du mal, des dommages, alors il doit rembourser. D'accord ? Par exemple, il se dit, je suis forgeron. On lui confie un travail de soudure. Et il fait n'importe quoi. Et à cause de son travail, il y a un accident qui se fait. Ou des biens sont dédommagés. C'est des biens sont abîmés. Et ben, il doit dédommager ce qu'il a fait. D'accord? Et même si le travail, comme on l'a expliqué, l'aurait bien fait, mais à la base, c'est pas un forgeron, il fait croire qu'il est forgeron alors qu'il n'est pas. Et ben, en réalité, l'argent qu'il a pris ne lui est pas permis. Même s'il aurait bien fait le travail. Car à la base, c'est pas un forgeron. Et l'autre n'a payé pour ce travail-là qu'en se disant qu'un tel c'est un forgeron, donc il maîtrise ce qu'il fait. Dans le cas où, comme on dit bien, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Maintenant, c'est quelqu'un qui te dit, moi, je suis pas forgeron, mais j'ai un fer à souder. Et ce que t'as là, j'ai déjà vu comment on fait, si tu veux, je te le fais, mais je suis pas forgeron, et que l'autre, il accepte, là, c'est autre chose. Car là, alors, était clair. Il leur dit, je suis pas forgeron, mais j'ai un fer à souder. Et j'ai déjà fait ce que t'as, ton problème, là, j'ai déjà fait avec mon père, avec mon oncle. J'ai déjà fait. Si tu veux, je peux te le faire. D'accord? Si tu veux, je peux te le faire. Et l'autre, il dit, d'accord, il se fait le moi. À ce moment-là, il ne rentre pas dans le hadith. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, je suis pas forgeron, moi. Attention. J'ai pas de diplôme, j'ai pas étudié dans ce domaine-là. Mais ce travail-là qui concerne, j'ai le matériel. D'accord ? Et je l'ai déjà fait. Ou un autre, il dit, je suis pas menuisier, mais ta chaise, là, qui est cassée, ta chaise en bois, je sais comment la réparer, j'ai déjà vu. Et j'ai de la colle avec moi, j'ai des outils. Si tu veux, je te la répare. Et si jamais j'arrive pas à la réparer, tu me payes pas, par exemple, il dit. Voilà, tu me payes pas. Si j'ai la cache, je te rembourse. Mais si tu veux, moi j'arrive à la réparer, tu me payes. Qu'est-ce que t'en penses ? L'autre il dit oui, vas-y, si tu veux. À ce moment-là, s'il répare la chaise et qu'il le fait bien, là, ce salaire qu'il a pris, il n'est pas haram. Pourquoi est-ce qu'il aura bayen ? Il aura clarifié, il dit je suis pas menuisier, moi. Mais juste, ce travail-là, je sais que je peux le faire pour toi. Ce travail-là en particulier, je peux le faire. Mais il a bien dit aussi, si jamais je le fais mal, je te rembourse ta chaise. Pas ça, vous voyez ? Ainsi de suite. Donc là, il aurait été clair. Le hadith parle de quelqu'un qui fait un travail en faisant croire qu'il est apte à le faire et qu'il est dans le domaine. D'accord ? Naam. Et il dit, wa mafhum al-hadith, chose importante, an at-tabib al-haziq wa nahwahu idha bashara wa lam yajni yaduhu wa tarattaba ala dhalika talaf fa laysa bidhamin li'annahu ma'zun fihi min al-mukallaf aw walihi. Maintenant, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Que celui, par exemple, qui fait un travail, et là, il parle d'exemple d'un médecin, et ça peut valoir pour tout domaine, dans les domaines de la dunya. et que c'est un médecin, il est habile. C'est un vrai médecin. On lui confie un travail. Dans ce travail-là, il y a une erreur qui se commet. Mais une erreur, elle se commet pas par négligence ou pas par, comment dirais-je, transgression. C'est quand dans la machafa, il y a une erreur qui a été faite. Et cette erreur, elle emmène à des dommages corporels ou quoi. Ce médecin n'a pas dédommagé. Pourquoi? Car à la base, on lui a autorisé à faire ce travail-là. Maintenant, il y a eu une erreur qui s'est faite, qui ne vient pas d'une faute de négligence ou quoi. D'accord? Comme on a autorisé ce médecin d'agir, il a agi, mais lui n'a pas fait de faute en soi, mais il y a eu un problème qui s'est passé, malgré lui. Eh bien, ce médecin, il n'a pas à dédommager ce qui sera passé. Pourquoi? Parce qu'on l'a autorisé à agir. D'accord? Par exemple, un menuisier, on lui a confié un travail de réparer un meuble, et Mathalène, le meuble, par exemple, je sais pas moi, le bois, il était encore moisi, ou il y avait un problème, ou quoi, ou quoi. Le menuisier, il a fait ce travail, et le meuble s'est cassé pendant le travail. Eh bien, le menuisier n'a pas remboursé le meuble. Car à la base, on lui a autorisé à prendre le meuble et à s'en occuper. D'accord? Ça, c'est une règle qui existe dans le fiqh. Quand on autorise à quelqu'un à faire quelque chose, et qu'il n'a pas fait de preuve de négligence, qu'il n'a pas été insouciant ou quoi, qu'il y a une erreur qui s'est faite, alors il n'a pas remboursé. On l'avait dit l'exemple avec, par exemple, un prêt. Tu prêtes ta voiture à quelqu'un, à un frère. D'accord? Le frère sait conduire et tout, tu le connais. Et que ce frère-là, il a un accident avec la voiture. Mais ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un lui est rentré dedans. Ou la voiture, le pneu l'a crevé, ou il lui arrivait un truc, mais ce n'est pas une chose qui est basée sur une négligence. Eh ben, il n'a pas remboursé la voiture. Pourquoi? Quand tu lui as autorisé à prendre la voiture à l'utiliser. Il n'a pas à la rembourser. Une voiture, ou un ordinateur, ou une tondeuse, ou n'importe quel objet. Tu lui as prêté. D'accord? Et le frère, quand dans la marche à Farel, il y a eu un problème, l'objet a été abîmé. Mais pas par sa faute en soi, par un acte direct. Par exemple, je sais pas, moi, sa maison, il y a eu des pluies, la pluie, elle a touché l'appareil, l'ordinateur, par exemple. L'ordinateur, khalas, il est cassé à cause des inondations, par exemple. Eh ben, il a pas remboursé le frère. Il a dit, moi, l'ordinateur était rangé dans le truc. Après, il y a eu une inondation. C'est pas de ma faute. Les tuyaux, ils ont pété. Ça a touché ton ordinateur. Là, c'est désolé, il y a Ricardo Lamachaparel. T'as pas dit, oh, rembourse mon PC. Tu me l'as cassé. Non. Il dit, je l'ai pas cassé, ton PC. Il est abîmé par une chose qui est indépendante de ma volonté. T'as dit? Maintenant, si la personne a fait preuve de négligence, par exemple, il a pris le PC. Et comme un idiot, il va prendre le PC dans la baignoire. Bah, un exemple, un extrême, je vous dis, hein. Il prend le PC, il va dans la baignoire. Il commence à écrire un article dans la baignoire. Et hop, le PC tombe dans l'eau. On va dire, non, c'est pas de ma faute. Bah, qu'est-ce que tu fais avec un PC dans la baignoire? La baignoire est pleine d'eau. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain avec un PC? Là, si tu rembourses, t'as été négligent. Ou la voiture, il l'a prise, il l'a fait avec cette vitesse. Et il s'est pris un trottoir, il a cassé de... Ah ben là, il rembourse. Parce que là, il a fait une faute. D'accord? Mais dans le cas où ça s'est passé malgré lui qui n'a rien fait, il n'a pas remboursé, il n'a pas dédommagé. Retenez bien cette règle-là parce que beaucoup de gens sont rentrés en khilaf entre des frères à cause de ça. Pas même? Taïe. Donc, ceux qui font un travail, dans ce travail-là, il s'en passe un accident qui est indépendant de sa volonté, qui n'a pas fait preuve de négligence, il n'a pas dédommagé ce qu'il aura fait comme travail. Que ce soit un médecin, que ce soit un menuisier, que ce soit un électricien, que ce soit un chauffeur, que ce soit ce que vous voulez, il n'a pas à rembourser. D'accord? Car à la base, il a été autorisé d'agir. Non. طيب وابقون الحديث الخامس والخمسين سكن سكيم حديث et aussi je précise le hadith à la base il est faible mais le jument qu'on en tire il est authentique hein. À préciser نعم يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يعطي في العقوبة رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا donc selon Aïcha رضي الله عنها قالت elle a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit repoussez les sentences autant que possible des musulmans tant que vous le pouvez si jamais on trouve une issue alors accordez-lui cette issue car il est meilleur pour le gouverneur, n'est pas du gouverneur, mais vous allez voir, c'est général, de se tromper dans un pardon que de se tromper dans C'est une sentence apportée par Tirmidhi. Et le hadith également, il n'est pas authentique. Mais il est appuyé par d'autres hadiths, d'autres adillah. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il implique? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que il est moins grave de pardonner une faute méritée que d'appliquer un châtiment, une sentence qui ne l'est pas. Hadha al-maqsoud. Que tant que tu peux trouver une façon de pardonner, par exemple, là il parle d'un gouverneur, et une personne aura commis une faute en islam qui mérite une sentence. Par exemple, quelqu'un, un exemple, il a tué quelqu'un. Un musulman a tué un musulman. D'accord, il a tué un musulman. Et on ne sait pas si cette mort a été causée volontairement ou pas. Par exemple, ça ressemble à un meurtre, un assassinat. En même temps, il y a une ambiguïté qui fasse que ça peut être une bavure. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On le fait passer sur la bavure et non pas sur l'assassinat. Pourquoi? Car mieux vaut pardonner à un criminel que de punir un innocent. Vous comprenez? À ce moment-là, vaut mieux qu'on gracie un criminel plutôt qu'on tue un musulman qui, à la base, n'a pas tué volontairement. C'est un accident. Mais cet accident-là, il ressemble à un meurtre délibéré. Mais c'est pas clair. D'accord? C'est pas clair. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait prévaloir le pardon. On dit pas c'est un assassinat, on dit c'est une bavure. Et si jamais là c'était vraiment un assassinat, Yom Kippour, il va payer. Hein. Croyez pas qu'il va échapper. Les gens disent ouais c'est un assassin et vous l'avez pardonné, c'est injuste. Dites à quel part Allah Azzawajal, il a vu ce qui s'est passé. S'il a été ici là, il sait qu'il a assassiné volontairement et qu'il a été excusé et qu'il sait qu'il est coupable. Normalement il doit lui-même dire ouais je suis coupable, j'ai fait ça volontairement. Mais il le fait pas, il se cache, il joue. À ce moment-là on dit khalas, pardonnez-lui. وَأَمْرُوا إِلَّا اللَّهِ Son affaire vient à Allah Azzawajal. Et bien croyez bien que si Yamil a menti, qu'il a vraiment tué volontairement, Yom Al-Qiyama, il payera pour son meurtre, pour son assassinat. Et l'imam, le gouverneur, sera pardonné car le gouverneur, il a voulu quoi? Éviter le plus grand mal possible. Alors que si demain le gouverneur tue quelqu'un qui était pardonnable, qu'est-ce qu'on va dire? Tu dois tuer un musulman. Donc on va dire ça c'est pire encore. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le gouverneur? Il dit je préfère ne pas le tuer qu'il soit coupable plutôt que le tueur qu'il est innocent. Parce que l'affaire n'est pas claire. Vous comprenez? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a repoussé plein de gens qui étaient venus pour des sentences en leur trouvant le plus possible des excuses. Il n'y a pas longtemps qu'on en parlait. Un homme est venu pour voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour dire j'ai fait zina. Donc applique sûrement la sentence. Mais le sallam ne l'a pas regardé, il n'a pas voulu écouter. Il a dit Ya Rasulallah, Aqim Ali al-Had, applique sûrement la sentence. Il a dit est-ce que tu as bu? Il a dit non. Il cherche une issue, le Nabi, pour ne pas lui appliquer la sentence. Est-ce que tu es fou? Il dit non. Il a tout fait pour pouvoir trouver une façon de lui trouver une issue. Et l'homme, il a fait comprendre, non, je n'ai aucune excuse, j'ai fait ça volontairement, et j'ai toute ma raison, purifie-moi, et applique-moi la sentence. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, la sentence sur lui. Donc toi, si demain, avec ton frère, tu as une accusation qui vient, et c'est une personne qui est connue, à la base, qui est innocente, à la base, le musulman dit qu'il est innocent. Quand même, les koufars, c'est une règle. Que de base, on est présumé innocent. Et ben, le musulman, de base, il est présumé comme étant innocent. Voyez? Et ben, tant que tu peux trouver une façon de reposer l'accusation, je sais pas, dans un moment, c'est ambigu. La chose, elle est pas claire. Que tu peux repousser l'accusation et ne pas faire en sorte qu'il y ait des conséquences qui s'appliquent, alors repousse-la. Autant que tu peux. Maintenant, si la chose, elle est claire, les preuves sont là, que c'est évident, là, c'est autre chose. Mais tant que ça ne l'est pas, alors repousse la chose. Et ça, c'est dit le cheikh, huwa annahu idha ta'arada mafsadatan tahqiqan wa ihtimalan ra'ina al-mafsada al-kubra. Que si jamais on a, c'est un peu la règle de aqara dararain, qu'on applique le monde des deux mots. Mieux vaut pardonner un coupable que de d'accuser un innocent. Prenez-le comme ça comme règle. Et ça, c'est à quel moment? Quand la chose n'est pas claire. Tant qu'il y a un irtimel, une probabilité que la personne elle a une excuse, alors cette excuse, on la fait prédominer. Comme par exemple, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, la fornication. Mathalan, pour que quelqu'un se fasse accuser de fornicateur, soit il l'avoue lui-même, donc là, s'il avoue, comme il l'a fait cet homme avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a rien à dire. Ou alors, il faut qu'il y ait quatre témoins quatre témoins qui aient vu l'acte clair. Comme on a dit, pénétration. Excusez-moi le terme qui paraît cru, mais c'est le ulama le disent eux-mêmes, il faut avoir vu, par exemple, ce qu'on appelle en français le gland, la partie du pénis qui rentre dans le vagin. Même si c'est pas tout. Si la partie du gland, la partie que vous connaissez qu'on appelle le gland, en arabe, c'est hafasha, on appelle comme ça en arabe, et les ulama ils le disent, hein, donc c'est pas un truc grossier ou vulgaire, c'est une masala ilmiya qu'il faut clarifier quand il y a besoin. Si cette partie-là rentre dans le vagin, c'est considéré comme étant du zina. Si quelle personne le voit clairement, cette chose-là, là, ils peuvent aller dénoncer et la sentence sera appliquée. Mais si seulement trois l'ont vu, non. Si seulement deux l'ont vu, c'est pas accepté. Si seulement une seule personne l'a vu, c'est pas accepté. Même si ça a eu lieu, hein, pourtant. Mais il faut que quatre qui l'aient vu, comme ça, vraiment, c'est indéniable. C'est indiscutable. C'est injustifiable. Et c'est inexcusable. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Voyez? Par contre, si quatre ont vu et seulement deux veulent témoigner et deux se désistent, on n'applique pas. Par exemple, quelqu'un va dire, ouais, mais il y avait un tel avec nous pour qu'on, ils ont vu la chose. L'autre dit, moi, je témoigne pas, moi. Mais moi, je dis rien, moi. J'ai pas envie de parler. Alors qu'à la base, il doit parler. Mais, je sais pas, il a peur ou il y a un truc. Bah, si lui parle pas, vous vous retrouvez que à trois ou à deux ou à un seul, khalas. Toi, ne parle pas non plus, sinon, t'es de faire fouetter. Même t'as vu la chose, hein. Mais il y a qu'Allah Azza wa Jal, hulaika indallah, humul kadhibun. À ce moment-là, en point de vue législation, ça sera toi le menteur. Pourtant, t'as dit la vérité, hein. C'est ça qui est incroyable. Mais tu es un menteur. Pourquoi? Quand tu as parlé à un moment, tu n'avais pas le droit de parler. Tu as dit une chose qui ne t'est pas permise de dire, même si c'était la vérité. En islam, ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Hein. Par exemple, le riba, ou le namima, tu peux dire la vérité. Pourtant, tu n'as pas le droit de le dire. Par exemple, ton frère, c'est, tu parles d'un frère que tu connais. Tu parles d'un frère que tu connais, c'est un fainéant, ce frère-là. Et tu vas dire, ouais, les frères, je connais Zayd, c'est un gros paresseux. Tu vois, eh ben, Zayd, t'aurais dit, ça l'aurait pas apprécié. T'as fait quoi du riba? T'as pas le droit de le dire. Et pourtant, c'est vraiment un paresseux pour de vrai. Mais cette phrase-là, t'as pas le droit de la dire. Pourquoi? C'est du riba. Ou tu dis, par exemple, tu vas avoir un frère, tu dis, ouais, Foulen, un tel m'a dit que t'étais un menteur. T'as fait quoi à ce moment-là? T'as fait de la namima. Et l'autre, il a vraiment dit que c'était un menteur. Pour de vrai. Mais en faisant cela, t'as fait de la namima. Ah bah, t'as pas le droit de le dire, ça. D'accord? Pourtant, l'autre, il a vraiment dit, hein. T'as dit, ouais, un tel, je le connais, c'est un kazab, c'est un menteur. Toi, tu vas voir l'autre, tu te dis, hey, l'autre, il m'a dit que t'es un kazab. Qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Namima, tahrish. T'as dit, t'as fait de namima, parmi les grands péchés, qui peuvent valoir le châtiment de la tombe. Pourtant, t'as dit la vérité. Ben, cette vérité-là, tu n'étais pas en droit de la dire. Donc, ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire en islam. Sachez-le, des gens vont dire, ouais, je dis le haq. C'est pas tout haq qui est bon à dire. Maintenant, un namima, des fois faut les dénoncer. Ou le riba, pareil. Il y a des cas où faut le dire. Quand quelqu'un il a un défaut qui peut nuire aux autres, s'il y a besoin de le dire, faut le dire. C'est pas dans l'absolu, mais de base, le riba c'est interdit et un namima c'est interdit. Après il y a des cas, il y a un détail sur la question. Là on parle du cas de base, d'accord, du cas de base. Donc là c'est pareil. Par rapport au zina, quelqu'un qui voit des gens qui forniquent, si on pas quatre. En islam, ce sont des menteurs et leur témoignage n'est plus accepté. Vous vous rendez compte que parmi les choses qui sont... Pourquoi vraiment fermer les portes à l'honneur du muslim? On ne salit pas, on ne souille pas, on n'entache pas l'honneur du muslim. Que vraiment dans un cas où c'est clair, où il n'y a aucune excuse. Donc, faut dans la fornication, il faut quatre témoins. Et ça, c'est un exemple. Hein. On a d'autres exemples dans lesquels on ne doit pas parler. Même si on sait une chose, d'accord, et qu'on ne remplit pas les conditions pour la dire, on se tait. Sans quoi, le mal revient contre nous. Non. Vous voyez, donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui à travers ces trois hadiths. Donc il y en a deux qui étaient faibles, mais le jugement qui en découle reste valable. Vous voyez, anak tafi bihadha al-qadr, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.